L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. L'économie, c'est comprendre. Les Anglais gèrent très bien le droit. Les États-Unis comprennent le développement. Les ingénieurs et chercheurs français sont créatifs en développement. Les Allemands ont une très bonne pédagogie orientée sur le développement. Les Chinois sont confucianistes et ont de très bons chercheurs, avec aussi les Japonais et sans doute l'Asie. Les Algériens sont en train de comprendre cela. Les Africains sont capables de se transformer par rapport à leur corps. Les femmes africaines ont permis à l'homme de se comprendre dans les petits groupes, différemment ensuite. Les Amérindiens ont l'héritage de l'Asie avec une capacité créative naturelle. Les Namibiens ont fait Homo sapiens avec la proximité de l'eau. Selon Lazare Carnot, Gaspard Monge et Frédéric Scherbart par Bismarck, l'intégrité française est selon l'individu, alors que l'intégrité allemande est selon la société qui permet de se comprendre. Il y a une bataille régulière en France. Internet a pu individualiser l'individu par l'individu et le web. Seulement, le seul moyen en France d'aller contre le trafic que voulut Fouquet est le dialogue à sens naturel de recherche de vérité des Carnot par Champollion, amélioré par le droit à la raison créative de la Constitution américaine, qui demande dorénavant le droit au talent, puisque les nanorobots pourront facilement individualiser sinon. C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à SRM.